Les délégations et délégués des organisations d'études des IDGT en visite en Corée à l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, ainsi que le musée de la guerre de libération de la patrie et le musée du mouvement de la jeunesse.